Hey, Julie, ma recherche d'emploi n'avance pas. J'ai besoin de changement et de monter en compétences. Et je cherche un organisme sûr. Passe par le Greta. Ils ont un grand choix de formation dans une dizaine de secteurs, du CAP au Bac plus 5. C'est pas trop compliqué? Mais non, ils te guideront et t'expliqueront comment actionner les bons financements. Beaucoup de formations sont financées par la région Bretagne. Cool, je les appelle. France Inter. Professeur, c'est génial, parce que on termine ces 3 semaines de vacances. On dit, ah là là, je reprends le travail, ça va être dur. Et là, illumination, en 3 semaines de vacances, on n'a pas pu écouter un seul podcast. Ce qui fait qu'en démarrant mon application de podcast, j'en ai des caisses qui ont débarqué, qui vont pouvoir occuper mes journées passées essentiellement dans ma bagnole, dont du blockbuster. Voilà, allez, bonne continuation pour cet été et à très vite en podcast. Merci Frédéric pour ton émission, tu me fais aimer l'été. C'est vraiment génial de passer ces trajets en voiture avec toi. D'ailleurs, je saoule tous mes covoites et je fais découvrir l'émission depuis des années. Merci pour ce que tu fais. Merci aussi d'avoir traité Aya Nakamura, qui est quand même un phénomène qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Repris d'ailleurs par les Cassos. Le français est beau, le français est mondial, hein, pas que parisien hexagonal. Et que de plus belles transitions pour le sujet d'aujourd'hui, le Horror Picture Show. Merci encore Frédéric. Merci, enfin l'épisode sur le Rocky Horror Picture Show. Merci Fred. Let's do time up again. To be or not to be, not to be. Chers auditeurs, j'ai une confidence à vous faire. Ce soir, après cette émission, je prends des vacances. Enfin, en langage intermittent, on appelle ça du chômage. Mais n'ayez crainte, je vous ai mis 15 émissions au frais. Il y a le numéro du répondeur sur le frigo et je vais pas rentrer bien tard. Le 21 août, je suis là. Par contre, information très très importante. Le 9 août, pendant que je serai parti, va sortir au cinéma le film d'animation Ninja Turtles Teenage Years. Un nouveau film d'animation sur les tortues ninja. J'ai eu la chance de le voir en avant-première et ça serait une erreur monumentale de le louper. Non, parce qu'après, je sais comment ça va se passer. Vous allez dire, oui, les médias n'en ont pas parlé, on nous cache tout, on nous dit rien. Donc soyons clairs, les Tortues Ninja, c'était déjà ce qui se fait de mieux en matière de comic book grand public. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à lire l'intégrale formidable qui vient de sortir en France chez iComics. Les Tortues Ninja, c'était déjà ce qui se faisait de mieux en matière de série d'animation. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à regarder le film qui conclut la série Le Destin des Tortues Ninja sur Netflix. Les Tortues Ninja, c'était aussi ce qui se faisait de mieux en matière de jeux vidéo beat'em up à la Double Dragon, avec Shredder's Revenge disponible sur tous les supports. Et ce long métrage qui sort le 9 août, c'est maintenant ce qui se fait de mieux en termes de films d'animation. Depuis Spider-Verse, bien entendu. Et peut-être Slam Dunk, en salle depuis mercredi dernier. Enfin bref, l'animation, c'est très bien. Voilà, vous ne direz pas que je vous en ai pas parlé. Je vous souhaite un très bel été. Moi, je vais m'occuper de mes gosses et je reviens. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction, double feature. La comédie musicale Rocky Horror Show fête cette année ses 50 ans d'existence. Adapté en long métrage en 1975, ce film culte, célébration de la culture queer et de la science-fiction de série Z, est diffusé dans certains cinémas du monde entier depuis plus de 40 ans. Cérémonie païenne et irrévérencieuse à la joie communicative, les projections du Rocky Horror Picture Show sont un spectacle à suivre autant dans la salle que sur grand écran. Pour comprendre l'engouement que suscite ce phénomène depuis si longtemps, j'ai avec moi Manon Franken, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice à Sorociné Média qui analyse les représentations du genre au cinéma. Sorociné, oui. En gros, on est un média féministe, donc un podcast un site internet, un ciné-club aussi. Et on traite du cinéma sous le prisme des gender studies, donc à la base le point de vue féministe, mais aussi tout ce qui concerne les minorités de genre et la représentation des minorités de genre au cinéma. Parfait, c'est exhaustif. Avec nous également Hugo Bardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien et drag queen, plus connu sous le nom de scène de Paloma. Et en 2022, félicitations, vous avez remporté la première saison de Drag Race France, diffusée sur France 2. Eh oui. Et vous êtes en tournée avec votre spectacle Pluriel à partir du 15 septembre. Tout à fait. Je commence une grosse tournée. Les présentations sont faites. Il est temps de vous faire découvrir ou redécouvrir le Rocky Horror Picture Show. Yes. Brad, please, let's get out of here. For God's sake, keep a grip on yourself, Janet. But it seems unhealthy here. It's just a party, Janet. Well, I want to go. Well, we can't go anywhere till I get to a phone. This isn't the Junior Chamber of Commerce, Brad. They're probably foreigners with ways different than our own. They may do some more folk dancing. Look, I'm cold, I'm wet, and I'm just plain scared. I'm here. There's nothing to worry about. How do you do, I see you've met my faithful hand in hand. C'était un extrait de Sweet Transvestite du docteur Frankenfurter, interprété par le génialissime Tim Curry. Alors évidemment, on parle de Rocky Horror Picture Show, mais il est certains auditeurs, et jusqu'il n'y a pas très longtemps, j'en faisais partie, qui ne savent pas ce qu'est le Rocky Horror Picture Show. Donc Manon, Hugo, est-ce que vous pouvez expliquer de quoi ça parle ? Tu te lances ou je me lance ? Vas-y. Au départ, c'est une comédie musicale de Richard O'Brien, je crois, qui joue d'ailleurs dans le film. Ça a été adapté donc au cinéma. Et c'est une espèce de parodie de films de science-fiction, de films d'horreur. Alors, pour raconter l'histoire, par contre, c'est compliqué parce que l'histoire est compliquée à suivre. Mais voilà, c'est un film culte, quoi. Enfin, c'est un nanar culte. Et Manon, comment c'est né le Rocky Horror Picture Show ? Enfin, le Rocky Horror Show. Voilà, parce qu'à l'origine, c'est le Rocky Horror Show, donc c'est une comédie musicale qui se jouait à Londres et qui a été adaptée du coup en film, au cinéma. Donc, y a toujours les musiques de la comédie musicale, mais avec une esthétique, pour le coup, adaptée au cinéma. Et c'est devenu donc vraiment un film à part entière. Et les gens connaissent aujourd'hui, je pense, plus le film que la comédie musicale d'ailleurs. Et qu'est-ce qui a été sous-jacent dans la création de cette histoire ? Parce que c'est vrai que ça arrivait de manière complètement iconoclaste. On retrouve un petit peu le mythe de la créature de Frankenstein qui est revisitée. C'était une double séance. Comment tout ce patchwork très hétéroclite s'est créé finalement ? Alors, c'est-à-dire ? Mais je veux dire qu'au moment où ça a été créé, au moment de la comédie musicale à Londres, quelle a été l'envie de proposer ça au public ? Je pense que c'était d'abord l'idée de proposer un hommage en fait à la science-fiction et aux films d'horreur, puis aussi de proposer une sorte de relecture un peu queer des films d'horreur, de l'imaginaire horrifique de tout un pan justement de créatures, de revisiter ça et de proposer quelque chose d'assez festif, dont la comédie musicale aussi. Hugo, à quel moment de votre vie vous avez découvert le Rocky Horror Picture Show et vous vous êtes dit « Ah oh, tiens, ça c'est le film qui va me suivre ». Eh bien, je me suis posé la question en préparant l'émission et en fait, je m'en souviens pas. Alors, je pense que c'était tôt à l'adolescence. J'étais très cinéphile, en tout cas très prétentieux, et je voulais avoir tout vu avant tout le monde. Je connais deux, trois personnes. Comme voilà, je voulais voir tout et tous les classiques, et ça fait partie quand même des films qui sont classiques, aussi bien pour un public très hétéro que très queer. Et j'ai dû regarder ça vers 13-14 ans, et je pense que je l'ai pas vu. Ah, c'est tôt quand même hein. Ouais, tôt, mais bon, je regardais des trucs bien pires que ça, je pense, à l'époque. Mais je suis pas sûr d'avoir vu l'aspect queer tout de suite. Enfin, c'est vraiment après, avec le recul, que je me suis dit « Ah ouais, c'était vraiment très queer, en fait, ce film. » Manon Franken, vous avez découvert le Rocky Horror Picture Show à quel moment de votre vie ? Quand j'étais au lycée avec la série Glee, parce que dans la saison 2, il y a un épisode, justement, hommage au Rocky Horror Picture Show. C'est les lycéens de la série qui reprennent le spectacle pour faire une représentation avec leurs troubles de lycéens au passage dans l'épisode. Et je m'étais pas mal questionnée parce que moi, j'avais jamais entendu parler de ce film. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Et j'avais eu envie de creuser un peu le sujet après avoir vu l'épisode. Je m'étais procuré le film et c'est là où je l'ai découvert. Et c'est ensuite, en creusant un peu encore, en faisant quelques recherches à partir de ce que j'avais entendu dans l'épisode, que j'ai découvert tout le phénomène que c'était. Et qu'est-ce qui vous a marqué dans cet épisode qui vous a justement donné envie de creuser ce filon ? Je pense que c'est d'abord les chansons, parce que je me rappelle très bien de la chanson Touch a Touch Me, qui m'avait quand même pas mal marqué. Voilà. C'est la prof qui la chante dans la série, je me souviens. Ouais. Dans une scène qui était quand même super sexy, donc ça m'avait pas mal marqué. J'avais dans le film, c'est Susan Sarandon qui l'interprète. Magnifique. Et alors, évidemment, ça a été pour vous, j'imagine, une claque. Ensuite, qu'est-ce qui, selon vous, explique qu'aussi longtemps après la création, ça soit encore un objet de culte, de révérence au cinéma et même sur scène, parce qu'on sait que la comédie musicale va revenir l'année prochaine sur les scènes parisiennes. Qu'est-ce qui explique la fascination autour du Rocky Horror Picture Show ? Oh, bah c'est quand même très punk. Enfin, je ne sais plus quelle est la date de création, mais c'est les années 70. Alors oui, c'est une époque de libération sexuelle à plein d'égards, mais au cinéma, on a rarement l'occasion de voir des films aussi débridés, quoi. Ça ne fait que parler de... Pardon, mais ça ne parle que de cul du début jusqu'à la fin. Et en plus, d'une manière assez moderne, enfin, le personnage de Frank, par exemple, en préparant l'émission, je l'ai revu et je me suis dit, mais punaise, ils ont quand même... C'était très culotté de faire un personnage ouvertement bisexuel, travesti. En même temps, il est complètement pervers narcissique. Enfin, c'est un mélange de plein de trucs. Et c'est assez. C'est avec assez moderne, un Tim Curry qui joue ce rôle qui est absolument phénoménal. Incroyable. En revoyant le film, je me suis dit, il est quand même passé de ça à It. Oui. Et le clown de ça. Oui. Mm. C'est les deux highlights de sa carrière, d'ailleurs, il n'a pas fait grand-chose. Il faut dire que après il a eu des gros problèmes de santé qui ne lui ont pas permis de faire d'autres choses. Et d'ailleurs, cette figure du docteur Frankenreuther, c'est une figure que vous devez connaître des fois même sans connaître le Rocky Horror Picture Show, parce qu'il y a notamment un personnage très connu du manga One Piece, Emporio Ivankov, qui est un leader des révolutionnaires dans ce manga, donc le manga le plus vendu au monde actuellement, c'est la figure de Tim Curry et du docteur Frankenreuther, parce que Emporio Ivankov est sur une île où il dirige l'île que des traves, où il n'y a que des drag queens. Et c'est donc le leader de la révolution. Je vais me mettre au jeu vidéo alors. Alors, c'est manga. Ah, c'est un manga. Mais on le retrouve aussi en jeu vidéo. Ok, boomer. Et est-ce que vous avez une chanson que vous aimez particulièrement dans cette comédie musicale ? Touch Me, elle est trop bien celle-là. Et puis Sweet Transvestite, elle est iconique quand même. Sweet Transvestite, surtout pas tellement pour la chanson, mais pour la performance de Tim Curry, pour son arrivée comme ça en sortant de l'ascenseur, qui est absolument génial. Le gars, il est fascinant, il a un charisme de dingue. Il a une espèce de sensualité archi-puissante. Puis après, petit à petit, en même temps, il a quelque chose de très inquiétant et on s'aperçoit que c'est un giga psychopathe. Et tout est rassemblé dans cette sortie d'ascenseur, dans cette chanson. Et c'est ça que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Et comment on est passé d'un beat commercial, parce que quand le film est sorti, ça n'a pas fonctionné, à un tel succès qui ne s'est pas démenti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde entier connaît le Rocky Horror Picture Show et ça, c'est même rentré dans le patrimoine des films à conserver. Donc, à quel moment il y a eu une bascule, Manon ? Je pense que c'est quand le public s'est approprié le film. Parce qu'à l'origine, ce film, il s'est vraiment fait une réputation parce que les gens en ont fait quelque chose de culte, parce qu'ils faisaient des animations dans les séances. Et c'est comme ça que s'est perpétué un espèce de bouche à oreille entre les fans du Rocky Horror Picture Show. Les gens se retrouvaient par exemple à lancer du riz après la scène de mariage. Et il y a tout un côté interactif qui est né. Et ce côté interactif s'est développé. Et généralement, aujourd'hui, quand il y a encore des séances du Rocky Horror Picture Show, c'est parce que ce sont des séances interactives. Et justement, ce mariage, parce que le film commence sur deux amis de Janet et Brad qui se marient. Et il y a une forme de dénonciation presque caricature du mariage traditionnel américain. C'est-à-dire que quand Brad et Janet eux-mêmes, parce qu'elles récupèrent le bouquet de la mariée, quand ils se mettent à évoquer la possibilité qu'eux deux se marient aussi, à leur tour, il passe de l'église au cimetière qui est juste à côté avec un chœur. Et on a vraiment le sentiment que dans ce film et dans cette comédie musicale, il y a une envie aussi de prendre le modèle hétéro-classique et de le mettre à la poubelle en disant « Alors là, si vous partez là-dedans, ça va être quelque chose de relou. » Oui, et puis ça commence quand même dans une espèce de mariage mormon. Ils sont tous complètement ridicules. Complètement ridicules. D'ailleurs, ils s'inspirent du tableau qu'on voit après dans le château. En fait, finalement, c'est le début du film qui fait peur. Une fois qu'on est dans la maison hantée qui est censée faire peur, c'est grotesque, on rit. Je trouve que je suis plus inquiet quand je suis. Moi, je serais plus inquiet d'être au mariage que dans le château avec Franck, hein, personnellement. En fait, ils sont dans un bonheur vraiment de surface où il y a un mariage qui est stylé et tout. Mais les personnages, ils sont quand même super ridicules. Puis on les sent tout coincés, toujours dans la retenue. Ouais, effectivement, ils passent du mariage au cimetière. Donc un peu, ils se dirigent vers la mort au final, je pense, en adoptant ce mode de vie ultra conforme qui leur correspond peut-être pas au fond, c'est juste qu'ils ont grandi là-dedans, ils ont des rêves un peu ridicules, quand même bien caricaturaux. Oui. Alors on est ensemble pour parler du Rocky Horror Picture Show, mais c'est avant tout des musiques, des chansons, et on va écouter évidemment Time Warp. You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your hips. Can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation. Like you're under. Inter. Blockbuster, Frédéric Sigrist. On a entendu l'arrivée de Eddie, Hot Patootie, Bless My Soul de Meatloaf, et voilà le fameux biker qui pratique le rock'n'roll et qui se fait très vite dégager par le docteur qui n'a décidément pas envie d'avoir ce genre d'icône viriliste dans son château. D'ailleurs, au passage, est-ce que il y a un symbole plus profond dans cette manière de dégager le rock très rapidement? Je sais pas, mais alors moi, en revoyant le film, ça m'a fait rire parce que Meat Loaf qui est censé jouer l'espèce de Elvis Presley hyper viril et tout. Il est pas du tout viril dans le film. Il est assez maniéré, c'est très drôle. Et je me suis dit, ouais, en fait, même toute tentative de parodie du patriarcat est vraiment parodique quoi dans le film. Oui, d'ailleurs même Rocky, qui est la créature de Frankenstein créée par le docteur, oui. c'est un jouet sexuel. Ah, complètement. C'est un gamin aussi, c'est juste un petit garçon complètement effrayé qui comprend rien à ce qui lui arrive alors que c'est censé être un mec musclé, archi sûr de lui. Il y a quelque chose qui a complètement échoué dans l'expérience. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce que le docteur Frankenfurter est une drag queen, Hugo? Bah, je sais pas si c'est une drag queen, mais en tout cas, c'est un drag queer. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le dirait, parce que aujourd'hui, il y a une vraie tendance à vouloir ôter le genre au drag. En tout cas, enfin, moi, je suis une drag queen, par exemple, mais il y a toute une nouvelle génération de drag qui se veulent juste queer et qui cherchent pas forcément à représenter un genre ou un autre. Et pour le coup, je pense que la plus grande icône qu'on ait au cinéma, c'est Tim Curry dans le Rocky Horror Picture Show, quoi. Il a pas de genre. Et qu'est-ce qui singularise un ou une drag? Bah, c'est l'extravagance, c'est la volonté de se moquer des codes que la société nous impose, c'est de se créer une espèce de personnage qui soit dans la démesure et qui soit une espèce de parodie de la société. Et c'est ce que joue Tim Curry dans le film. Il joue une parodie de méchants, mais joue une parodie également de d'hommes, de femmes, enfin il mélange tout quoi, c'est ça qui est génial je trouve. Donc en fait c'est ça, il y a dans l'idée du drag queen, il y a vraiment cette idée de caricature et de regard critique par rapport à une société un peu normative. Bah moi j'ai tendance à dire que c'est un miroir déformant, c'est-à-dire que quand on regarde Paloma par exemple, aucune femme ne ressemble à Paloma. Et c'est pas mon but, enfin, je cherche pas à ressembler à une femme quand je suis en drag, je cherche à ressembler à un cartoon et à interroger les gens sur le genre et sur ce qu'on en fait, est-ce que la société nous demande de faire de notre genre. Et Donc par exemple, Jessica Rabbit ou même Cruella d'Enfer ont quelque chose de plus drag que des personnages qui existeraient vraiment dans le monde réel. Ah oui, mais Cruella c'est une drag queen, mais d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, les personnages de Disney, les méchants par exemple, c'est toutes des drag queens, que ce soit Maléfique, Cruella, Ursula dans La Petite Sirène, évidemment. Elle est dessinée en fonction sur les traits de Divine, qui était la muse de John Waters. Et c'est souvent le cas d'ailleurs des méchants dans la fiction, notamment dans le cinéma et les dessins animés américains, c'est que le macartisme est passé par là, donc les méchants sont toujours un peu queer, le Capitaine Crochet, Jafar, on ne sait pas trop de quel bord ils sont. Donc il y a une espèce d'extravagance. Oui, bon, on en a parlé, on a fait un podcast sur Fast and Furious, et même dans le dernier Fast and Furious, effectivement, Jason Momoa compose un personnage qui tend à porter, à être très extravagant, avec des soies, du mascara, etc. Et donc ils ont encore joué sur ce code-là. Ah oui, bah souvent les méchants de James Bond, il y a toujours une ambiguïté. Manon, qu'apporte le Rocky Horror Picture Show sur la mise en avant des personnages queer à l'écran? Alors, ce qu'il a apporté à l'époque, déjà dans les années 70, je pourrais difficilement le dire, parce que c'était déjà une époque où dans les films, on va dire, assez classiques, dans un certain classicisme, il n'y en avait pas, tout simplement. Parce qu'il y a toujours eu des personnages queer au cinéma, il y a toujours eu des romances queer, même si elles n'étaient pas forcément évidentes, si elles n'étaient pas forcément bien distribuées, mais il y en a toujours eu. Après, pour le coup, c'était la première fois, je pense, qu'il y avait le combo comédie musicale, queer, science-fiction, horreur, parodie, tout ça à la fois. Sachant qu'on est quand même sur un film où le genre est extrêmement fluide, je pense que c'était pas non plus extrêmement évident à l'époque, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à développer aujourd'hui, mais qui à l'époque n'était quand même pas très présent dans les cinémas. Et de plus, c'est produit par une majeure comme c'est la Fox. Oui, c'est ça. C'est la différence avec les films de John Waters, qui sont quand même très underground et qui sont des petits films à tout petit budget. Là, on... La volonté de la prod, c'était quand même de faire un film pour une très large audience. Mais ce qui est absolument fou, c'est que on a dans le film des choses que même aujourd'hui, on aura encore du mal à voir. Par exemple, le docteur Frankenfurter, quand il s'introduit dans la chambre de Brad et de Janet en se faisant passer pour l'un et pour l'autre, et qu'au final, spoiler, il couche avec les deux, oui. Et les deux ont l'air très contents. C'est... Parce qu'aujourd'hui, on parle de consentement, et je pense qu'il n'y en a pas dans cette scène. Clairement, oui. C'est un viol déguisé, mais oui, les scènes sont particulières d'ailleurs. En voyant le film, je me suis dit, ah oui, ils ont fait ça. Ouais, c'est très cringe par moment. Oui, on est d'accord. Non, c'est très cringe. Ça dépend comment on voit ça, parce que c'est vrai qu'il y a le côté horrifique, je trouve, qui est quand même bien exploité, et tout ce côté, justement, d'absence totale du consentement et tout, qui, bon, déjà, à l'époque, c'était pas vraiment des sujets en vogue, malheureusement. Mais donc, forcément, il y a le côté de l'époque qui fait que ben, c'est un peu, même complètement outrepassé d'une façon très douteuse. Puis, il y a ce personnage qui est quand même assez horrible, en fait, qui manipule tout le monde autour de lui. Donc, qu'en pensent les autres ou leur consentement, ils s'en fichent. Et est-ce qu'il y a d'autres films qui peuvent, d'autres films musicaux qui peuvent être comparés au Rocky Horror Picture Show ? Ou c'est vraiment un ovni singulier ? Bah, automatiquement, je pense au film de John Waters, que ce soit Female Trouble, Pink Flamingo ou Hairspray, ou Cry Baby aussi, parce que ce sont des parodies, en tout cas il y a une dimension parodique. Et dans les deux cas... à l'exception de Tim Curry et Suzanne Sarandon, et peut-être de Little Neil qui joue Columbia, c'est quand même assez mal joué. Faut quand même le dire, c'est quand même, c'est pas des très bons acteurs, mais il y a une telle dimension parodique, il y a tellement d'humour et de millième degré dans le film qu'en fait, tout passe. C'est vrai que même l'histoire, on ne comprend rien. Il faut vraiment le voir beaucoup pour comprendre les petites subtilités, mais moi qui déteste la comédie musicale, par exemple, c'est vraiment un genre que je n'aime pas du tout. Ah, je suis surpris. Je déteste les comédies musicales. En fait, je n'aime pas quand la musique vient prolonger le récit. Je trouve toujours que c'est une facilité d'écriture. Et ce qui est bien avec le Rocky Horror Picture Show, c'est qu'en fait, les chansons ne sont absolument pas là pour expliquer quelque chose qui n'est pas dit dans la fiction. Tout l'intérêt du film repose sur les chansons, justement. Et je trouve qu'en fait, ils ont juste écrit une histoire qui pouvait permettre de faire plein de chansons avec des sous-entendus graveleux, et c'est assez drôle finalement. Et est-ce que il y a une partie de votre personnage qui doit quelque chose au Rocky Horror Picture Show? Oui, mais je pense que ça fait tellement partie de la culture queer et du panthéon des films underground qui sont comme Edwige, Angry Inch, enfin qui sont un peu des classiques pour les drag queens. Évidemment, ça m'a influencé. Après, moi, mon drag, elle est quand même très, très. J'allais dire pin-up. Non, c'est pas une pin-up, mais. Il y a un truc très, très provoque chez le personnage de Frank qui n'est pas dans mon. Que je ne retrouve pas dans Paloma, par exemple. Mais oui, c'est une figure inconsciemment qui a dû m'inspirer à un moment ou à un autre. Oui. Et. Autre chose qui m'a frappé, c'est que on utilise dans le Rocky Horror Picture Show justement la toile de fond du cinéma fantastique, et j'ai remarqué que c'est souvent via ces genres qui sont plus marginaux qu'on voit apparaître un sous-texte très queer. Par exemple, on va passer une émission l'été, enfin dans quelques semaines sur Freddy et Freddy 2. Et notamment un film extrêmement queer. Alors les gens qui regardaient Freddy Krueger se disaient bah non. Et pourtant quand on revoit Freddy 2 aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment une sorte de métaphore du coming out qui est assez énorme. Et est-ce que l'horreur c'est un genre en particulier qui permet de véhiculer ces idées ou ces concepts, Manon? L'horreur a toujours permis de véhiculer énormément de nouvelles idées, de proposer des choses nouvelles, parce qu'il y a un côté très transgressif qui fait qu'on peut un peu mettre tout et n'importe quoi. On peut beaucoup expérimenter, on peut amener des thématiques qui sont pas forcément appréciées dans des œuvres qui dépendent d'un certain réalisme. Et puis en même temps, ben aujourd'hui justement, on voit qu'on commence à sortir un peu de ce registre horrifique dans les représentations queer et tout, pour arriver dans des œuvres soit dramatiques, soit comiques, qui s'adressent plutôt à un grand public. Mais je pense qu'effectivement, l'horreur à l'origine a quand même beaucoup contribué à l'arrivée de certains sujets, certaines représentations, parce qu'il y avait toute cette dimension étrange qui correspondait un peu à l'esprit du spectateur qui ne savait pas comment se positionner. Bah, y a l'exemple pour moi le plus parlant, c'est Le silence des agneaux. Oui, c'est-à-dire que le personnage, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, mais le serial killer... Le vrai méchant, Buffalo Bill. Qui est censé être une personne trans, et c'est quand même le psychopathe de l'histoire. Et c'est vrai que c'est un personnage qui aujourd'hui est un peu décrié parce que justement il donne une image de la transidentité qui est quand même très problématique. Et dans le film le Rocky Horror Picture Show, justement aujourd'hui, je trouve que c'est le défaut du film aujourd'hui, c'est que il donne forcément un côté un peu négatif à toutes ces questions-là, parce que le personnage de Frank est quand même sacrément pervers, quoi. Janet, Dr. Scott, Janet, ah, Rocky, Janet, Dr. Scott, Janet, ah, Rocky. I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before. You mean she? I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more. More, more, more. I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. Touch me, touch me, touch me, touche-moi, créature de la nuit. Blockbuster, Frédéric Sigrist. Sorry, I'm having a good time. Sur France Inter. Pendant près d'un an, le Rocky Horror Show, une comédie musicale d'un genre assez spécial, a fait sale comble, si bien qu'un producteur américain, le Rocky Horror Picture Show, a coûté $1 million. 5 ans plus tard, il avait rapporté plus de 25 millions au box-office et il est toujours à l'affiche dans quelques 300 cinémas nord-américains. Rocky a son fan club, plusieurs centaines de milliers de jeunes qu'il connaissent par cœur, au point d'entrer dans la peau des inquiétants personnages de ce film. Moi, il me semble que si on pouvait tout le temps aller au cinéma puis se défouler comme ça, ça serait quasiment miraculeux. Il devrait avoir des cinémas seulement pour aller garocher ses murs en regardant les films. On dit souvent qu'une œuvre d'art, peu importe dans quel médium, là, on attend de la nouveauté, on attend être désorienté, de voir quelque chose d'inédit, d'imprévu et tout. Mais il y a aussi, parfois, on est tenté par une œuvre d'art où on retrouve des choses qui nous sont familières. Il y a quelque chose de rassurant. Il semble bien que ce qui rassure les jeunes de 15 ans, c'est tout ce qui est susceptible de choquer leurs parents. Rassurer les jeunes, choquer les vieux, comme faisait autrefois le rock'n'roll, voilà peut-être la clé du succès. Un extrait de reportage réalisé par Radio-Canada en 1981, où on entend vraiment l'époque aussi s'exprimer sur ces inquiétants personnages. Et donc forcément, c'est un reportage qui marque son âge. Manon Franken, est-ce que vous avez déjà participé, notamment au cinéma Studio Galant à Paris, à une de ces projections du Rocky Horror Picture Show ? Oui, je crois que c'était en 2015. J'étais allée à une séance interactive du Rocky Horror Picture Show, donc dans une toute petite salle. On était tous très serrés. Il y avait une toute petite scène et il y avait des passionnés, des fans passionnés qui mettaient l'ambiance déguisée, en rigolant, je pense, autant que les spectateurs. Alors il y avait la moitié du public qui était là en connaissant exactement à quel moment est-ce qu'on disait telle réplique et à quel moment est-ce qu'on faisait tel mouvement. Il y avait l'autre moitié des spectateurs qui se demandaient ce qu'ils faisaient là, qui avaient été traînés par des amis qui n'avaient jamais vu le film. Il y avait un espèce d'esprit festif, communicatif, très joyeux, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai fait aussi la séance à la Cinémathèque qu'il y a eu pendant la pandémie. Pour le coup, c'était un peu différent parce que grande salle, pas de possibilité de lancer des choses, pas de possibilité de lancer de l'eau. Puis grande scène, show extrêmement bien minuté par les comédiens, donc performance remarquable, mais on perdait le côté complètement chaotique, foutraque, à moitié improvisé que j'aime bien aussi. Et c'est marrant parce qu'en voyant des images de ces projections comme ça nocturnes, où on a l'impression que tout ce qui se passe dans la salle reste dans la salle. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cadres, des ouvriers, tout le monde se retrouve là et tout d'un coup l'espace de la séance, on est voilà quelque chose d'autre. Et c'est un esprit que j'ai retrouvé aussi dans certaines soirées du cabaret de Madame Arthur. Est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment que c'est un petit peu des oasis de liberté qui subsistent et qui ont tendance à se raréfier dans les grandes villes et dans nos sociétés modernes? Hugo? Traduction, les endroits queer sont des endroits de liberté. Oui, ça c'est sûr. Oui, je pense que... je dis on, hein, parce que je suis concerné, mais on a su garder un certain sens de la fête, on va dire. Et moi ça m'intéresse d'avoir votre point de vue, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est... dans des sociétés très cadrées, avec présence policière, sécurité, vidéo, etc., etc. Il y a des choses qu'on doit faire et qu'on ne doit pas faire. Or, le Rocky Horror Picture Show, c'est un film qui justement reçoit deux individus qui sont un peu mornes, tristes, qui ont envie d'avoir une vie bien rangée, et tout d'un coup, tout explose. Et donc, en fait, est-ce que vous pensez que désormais, c'est la manière dont on affectionne les spectacles de drag queen et tout ça, c'est aussi une manière de résister à cette idée de corsetage de la société? Ah bah oui, complètement, mais je pense que le jour où il y aura plus de murs à abattre, de portes à ouvrir, on n'aura plus besoin des drag queens, ou des drag queers, ou des drag kings. Ça reste encore, la scène queer reste encore une scène vachement libre, avec un vrai sens du politiquement incorrect, de la provocation... Ça ne veut pas dire que les spectacles de drag queen sont des spectacles qui ne peuvent pas être vus par un jeune public, par exemple, mais oui, il y a un sens du... Ouais, c'est un pied de nez à la société, donc forcément, y a une ambiance qui est un peu moins rigide qu'ailleurs, c'est certain. Et est-ce que vous pensez que tout le monde a un drag en lui, ou c'est vraiment réservé à la communauté queer? Ah, c'est une question qu'on me pose souvent, mais alors, j'ai pas la réponse. Je pense que la vraie réponse, c'est que tout le monde devrait essayer d'en faire, surtout. Le drag, c'est pas. Ça veut pas dire forcément monter sur scène et être. Et performer en tant que drag queen. Le drag, enfin, tout le monde est en drag. On est en drag aujourd'hui. Enfin, moi, je me suis habillé comme ça parce que je vais à la radio. Tous les jours, on se met en drag pour faire bonne figure. C'est le persona, en fait. C'est ça, on a tous un personnage à la ville et finalement. Faire du drag, c'est quoi? C'est créer un personnage. Donc tout le monde peut le faire. Maintenant, Franken, j'ai découvert en préparant cette émission l'existence des Midnight Movies, donc les films de minuit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est des films qui sont projetés à minuit à l'origine, donc que ce soit à la télévision ou au cinéma, bah notamment parce qu'il n'y a pas grand monde qui y va en journée, donc c'est pas des films soit familiaux, soit qui peuvent attirer beaucoup de monde. Et alors généralement dans Midnight Movie, c'est vrai qu'effectivement il y a un côté un peu horrifique, un peu provocateur, d'où le côté minuit aussi également, donc la nuit. C'est des films qui ont petit à petit une réputation de films cultes pour la plupart, qui justement se retrouvent. Il y en a eu d'autres qui est très connu comme ça que vous pouvez nous citer. Il y a eu El Topo de Jodorowsky qui est quand même considéré comme étant un Midnight Movie. Extrêmement important. Et aujourd'hui, le Midnight Movie, c'est surtout quelque chose qui est utilisé. Alors, je le vois plus beaucoup dans les grandes villes, dans les cinémas en France, du moins à Paris. Par contre, on le retrouve encore pas mal en festival quand même. Et ça a disparu, la séance de minuit, malheureusement. C'était bien d'aller au cinéma la nuit. C'est à cause du dernier RER. c'est pour... Et quid de la représentation des personnages drag aujourd'hui au cinéma ? Est-ce qu'il y a eu une évolution ? Est-ce qu'ils sont présents ? Ou est-ce que c'est encore vraiment le parent pauvre ? Bah, cette année, on a eu droit à trois nuits par semaine, le film de Vincent Gouelou qui était... Qui est sorti, où il y a littéralement toute la scène drag parisienne dedans. Heureusement qu'il y a des queers pour faire des films sur les drag queens, parce que enfin, moi qui suis comédien, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un scénario sur le sujet, c'est rarement des queers qui l'ont écrit, donc il y a toujours un peu des conneries, ou c'est toujours un point de vue un peu caricatural. C'est vrai qu'il y a encore du travail. Enfin, moi, je me rends compte que quand on me propose encore, même encore aujourd'hui, alors qu'il y a eu Drag Race, qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites sur le sujet, en France en tout cas, on continue de faire un amalgame entre drag queen, transidentité, travesti, travailleur du sexe. La route est longue. On arrive à la troisième partie de cette émission, mais avant cela, on va écouter Jeanne Hadid, qui n'était pas dans le Rocky Horror Picture Show. Ah, ça aurait été génial. Mais voilà, elle est sur la playlist, c'est déjà bien. Et on écoute Ready Baby. You are sur France Inter. I've done a lot, God knows I've tried to find the truth. I've even lied. And superheroes come to feast to taste the flesh. Still the beast in store. Un extrait de Super Heroes, chanson de Brad Majors et Janet Weiss, respectivement interprétée par Barry Bostwick et Susan Sarandon. Alors, évidemment, on entend dans cette chanson quelque chose qui me fait presque penser à du Starmania. Complètement. Et c'est vrai que cet amour de la science-fiction, du décalage, et qu'on associe vraiment aux années 70, début des années 80, c'est quelque chose qui a disparu. Et en voyant le film pour préparer cette émission, je me suis demandé si aujourd'hui des comédiens pourraient, oseraient aller aussi loin que Susan Sarandon et, ou Tim Curry l'ont fait dans le Rocky Horror Picture Show, sans qu'il y ait quelqu'un qui leur dise « Attends, pense à ta carrière ». Ben, je sais pas, mais en revoyant le film, je me suis dit, c'est génial, le jeu, le choix de jeu dans ce film. Tout, Tim Curry, par exemple, il en fait des caisses. Et en tant que comédien, à qui on a souvent répété, fais gaffe à tes gestes, à ta voix, t'es pas viril, virilise-toi. Je me suis dit, mais c'est génial, en fait, c'est une espèce de liberté. Il va dans tous les extrêmes en termes de jeu, et même elle, quoi. Le moment où elle est toute seule, où il y a un jump cut d'elle qui est là, mais où sont-ils? Elle est en panique, elle en fait des caisses dans son jeu. Je me suis dit, c'est génial. Il y a... En fait, ça n'est possible que parce qu'il joue comme ça. Le réalisme n'est pas possible. Et aujourd'hui, est-ce que ça serait possible encore d'avoir ce type de film où il y aurait vraiment trop d'agents qui diraient non, non, ça va te coller à la peau, etc. Non, préserve-toi. Bah, les actrices pourront dire regardez Susan Sarandon, ça l'a pas empêché de faire Thelma et Louise et tous les films qui ont eu après, quoi. Je sais pas. Ça mais dépend, non. C'est difficile de répondre à cette question vraiment, parce qu'on peut pas forcément prédire à partir d'un rôle ce qui va se passer. Alors effectivement, il y a des consignes qui sont, enfin il y a des conseils donnés aux agents pour les actrices sur comment se faire une image pour avoir certains autres rôles par la suite. Alors est-ce que ça vaut forcément le coup de les suivre? Franchement, je sais pas. C'est difficile à dire. C'est vraiment difficile à dire. Si je pose cette question-là, c'est parce que j'ai vu apparaître, notamment chez des acteurs tels que Leonardo DiCaprio, qui a joué Rimbaud Verlaine, une envie ensuite d'évacuer sa filmographie de films dans lesquels il jouait des personnages trop queer. Will Smith, qui a joué dans 7 degrés de séparation, aussi, lui aussi a fait évacuer 7 degrés de séparation parce qu'il jouait une relation homosexuelle. Et que avec le temps, il ne voulait plus l'assumer. Et donc, c'est pour ça que je me suis posé la question si aujourd'hui, c'était une prise de risque ou non d'interpréter ce type de personnage. On a encore vu dernièrement Tom Holland, qui joue Spider-Man chez Marvel Studios, qui joue dans une mini-série un homosexuel. Et bah, il y a tout de suite eu sur les réseaux sociaux une levée de bouclier en disant bah, il faut qu'il rende le costume de Spider-Man parce que c'est pas mon Spider-Man. Et j'ai l'impression qu'il y a un retour aussi d'une forme d'ordre moral sur ces sujets-là. C'est très américain, ça, j'ai l'impression. Oui, après... Je sais pas, mais je pense qu'il y a aussi une espèce de morale américaine où on ne mélange pas tout, effectivement. Quand on associe l'image, on ne va pas associer l'image de l'homosexualité à Disney ou à Marvel. Voilà. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que. Alors que ces personnages existent en bande dessinée. Oui, et puis c'est un travail de comédien. Enfin, je veux dire, c'est. Oui. Et alors, parlons de Drag Race France, qui est une vraie exception sur le paysage audiovisuel français. Et est-ce que, justement, on parlait des États-Unis, est-ce qu'il y a une différence culturelle et de rayonnement entre le Drag Race France et le Drag Race américain? Drag Race américain, ça fait 15 ans. Ça va être la 15e année. C'est vraiment américain, le drag. C'est vraiment anglo-saxon, ça fait partie de la culture. Il y a des drag shows partout, dans toutes les villes. Et même l'État le plus réac, le plus fasciste a des drag shows et ça fait partie du... C'est un divertissement comme un autre. En France, on a une culture du cabaret, c'est quand même très très différent et l'art drag, il est très récent en France. Après, ça n'excuse en rien le fait que la télé française ait mis 15 ans avant d'adapter le programme pour la France et surtout que le public était prêt. Nous, on l'a vu en tournée, on a fait une énorme tournée à travers la France, on a fait salle comble pendant 4 mois dans des salles de 2000 places. C'était la folie. Le public était prêt et avait besoin de ça, d'une espèce de vent de folie, de liberté, comme dans le Rocky Horror Picture Show. Et est-ce qu'en termes de représentation, Manon, dans les séries et des différents courants qui peuvent habiter les sociétés, est-ce qu'il y a une meilleure représentation? Alors, j'ai lancé un vaste débat. On peut pas répondre oui ou non parce que pour moi, oui, la société évolue de manière positive, lentement. Et pas vraiment sûrement, mais oui, il y a beaucoup d'évolutions ces dernières années. Moi, je regarde surtout ce qui a été fait avant pour comparer à ce qui est fait maintenant. Et effectivement, on voit quand même qu'il y a eu pas mal de chemin parcouru. Puis là, on a Netflix, puis même on a pas mal de plus grosses productions qui jouent énormément sur... sur une identité queer, même dans le marketing, parce que du coup, bah, c'est pas si... Pour vendre à une certaine génération, c'est pas toujours si risqué de jouer sur ce plan d'un point de vue marketing. Ah, donc en fait, il y a une forme de paradoxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut être quelque chose d'avantageux commercialement parlant, ça, ouais, d'être queer vis-à-vis d'un certain public. Et non, alors pas d'être queer vis-à-vis d'un certain public, mais il y a un public qui va être réceptif à ce qu'on leur vende des œuvres queer, je pense surtout à ce que fait Netflix, qui est quand même vachement axé sur une tolérance, sur une fluidité de genre, sur les personnages. Et c'est quelque chose qui s'adresse pas mal à des adolescents ou de jeunes adultes, beaucoup de séries pour adolescents ou jeunes adultes, qui, je pense, sont des spectateurs avec l'esprit, je dirais, un peu plus ouvert, mais pas forcément. C'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions, parce qu'il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Il y a une évolution, pas vraiment certaine. C'est pas linéaire. Il y a des moments où il y a des hauts, il y a des moments où il y a des bas. Moi, je vois en termes de représentation féministe, par exemple, qu'il y a beaucoup d'évolution. Est-ce qu'il y en a assez? Non. Est-ce que ça va rester comme ça? Non. En termes de représentation queer, ben pareil, en fait. C'est toujours un peu compliqué de savoir où on y va. C'est pour ça que c'est important d'en discuter. Et Hugo, je vous voyais réagir. Ah oui, parce que c'est... C'est vraiment le sujet le plus important pour moi en ce moment. C'est la visibilité des personnes queer dans les médias, à la télévision, dans la fiction. Je trouve qu'on est très très très loin d'avoir atteint les quotas nécessaires. Et effectivement, il y a une... Donc il y a quelque chose de totalement presque paradoxal que les gens n'arrêtent pas d'utiliser le mot woke à tout va, alors que ça reste quand même... En fait, il y a une réalité qui est que... Peut-être, j'imagine que c'est en grande partie grâce au succès de Drag Race, mais il y a un queer washing en France en ce moment. On a envie de mettre du queer partout. Enfin, je le vois, nous les drag queens, on a envie de nous foutre de plus en plus à toutes les sauces. Et c'est très bien. Faut pas oublier que les queers et les femmes, puisqu'on a quand même des combats communs face au patriarcat, on nous a quand même beaucoup invisibilisés, notamment dans la fiction pendant très longtemps. Et c'est normal qu'il y ait un rééquilibre qui se mette en place. Est-ce que c'est suffisant? Non. Et quand on parle de woke, non. On parle juste de reprendre un peu d'espace dans l'espace public, justement. Merci beaucoup, Hugo. Merci, Manon. Merci d'avoir été dans Blockbuster pour évoquer le Rocky Horror Picture Show. J'aimerais également remercier du fond du cœur Charles de Cilia pour sa réalisation durant tout ce mois, hein, parce que tous les petits modules, les extraits, etc., le sketch de fin d'émission, c'est vraiment du boulot. J'aimerais également remercier Benjamin Ducier et Lisiane Larbani qui ont cravaché comme des malades, et surtout les stagiaires les plus motivés et doués que j'ai jamais rencontrés, Mathias Bellassène et Céline Grillon, qui étaient aux manettes aujourd'hui. Avec à la technique aussi, on remercie David Diboué Black et au mixage, Mathieu Bérigny. Vous pouvez me laisser un message au 01 56 40 30 20, c'est votre répondeur, n'hésitez pas, ou parlez avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Lost in space and meaning. Taxi. Bonjour, vous allez où ? Place de l'Étoile, please. Eh ben, vous seriez pas le super-héros, là ? Tu sais, le gars qui devient tout vert quand il s'énerve, David quelque chose. Bruce. Bruce Banner, c'est ça ? C'est vous ? Yeah, oui, c'est moi. Oh, putain ! Oh, vous êtes calme, là, hein ? Faut pas péter la bagnole, hein ? Oh, c'est dingue ! On croise ces gens dans ce métier. Ah, l'autre fois, j'ai eu Thierry Beccaro dans la bagnole. Do you connaître Thierry Beccaro ? Non. Ah, c'est pas grave. Motus ? Non, bah... Donc, place des Étoiles, on disait, hein. Et bon, on va prendre par les quais, parce que là, il y a des travaux partout, là, c'est la merde, là, pour pas circuler dans cette ville, c'est un truc de fou. Et il est sympa, Captain America. Il est sympa, hein. Mais il est gay, non? Ah, il fait gay. Ah, non, mais les gars qui s'habillent en drapeau, ils sont gays, généralement. Moi, je dis ça, j'ai rien contre eux, hein, mais en général, s'habillent en drapeau, ils sont gays. Et Iron Man, il est blindé, non? Enfin, je veux dire, il a de la thune, il est comme Bolloré. Si ça se voit, il... Et son armure, elle roule à quoi? Parce que moi, je me posais la question, quoi, c'est sans plomb, c'est gasoil, parce que ici, le gasoil, c'est super taxé. Hein. Moi, je vois, je fais un plein, je tire par la semaine. Voilà, non, mais... Dites, ça vous gêne si je mets la radio? Parce que c'est l'heure des pros. Do you connaître Pascal Pro? Il a baigné ma bagnole! Oh, je savais bien que c'était un écolo. Lundi dans Blockbuster, l'incroyable